Riz sur le vif. Écoutez. Ah, te voilà. Salut. Salut. Dis donc, ça ne te dérangerait pas de me prêter ton vélo pour une ou deux heures? Non, à condition que tu me le ramènes ce soir. Ok, t'es sympa. Répétez. Ah, te voilà. Salut. Salut. Dis donc, ça ne te dérangerait pas de me prêter ton vélo pour une ou deux heures? Non, à condition que tu me le ramènes ce soir. Ok, t'es sympa. Écoutez. Madame, s'il vous plaît, verriez-vous un inconvénient à me laisser sortir ce soir un peu plus tôt? Je dois passer à la mairie et ça ferme à 5 heures. Pas du tout, du moment que vous me prévenez. Répétez. Madame, s'il vous plaît, verriez-vous un inconvénient à me laisser sortir ce soir un peu plus tôt? Je dois passer à la mairie et ça ferme à 5 heures. Pas du tout, du moment que vous me prévenez. Écoutez. Pardon, monsieur, auriez-vous du feu? Hélas, non, je ne fume pas. Pourriez-vous me dire où il y a un bureau de tabac? Je suis désolé, mais je ne suis pas du quartier. Répétez. Pardon, monsieur, auriez-vous du feu? Hélas, non, je ne fume pas. Pourriez-vous me dire où il y a un bureau de tabac? Je suis désolé, mais je ne suis pas du quartier. Écoutez. Auriez-vous l'obligeance de me prévenir aussitôt que ce virement sera arrivé? Mais bien sûr, madame. Vous pourrez compter sur nous. Répétez. Auriez-vous l'obligeance de me prévenir aussitôt que ce virement sera arrivé? Mais bien sûr, madame. Vous pouvez compter sur nous.